L'échec qu'avait subi Rintam avec Jules César ne le décourageait pas. Le génie réfléchissait sur le choix d'un nouveau stratège. Il sélectionna trois candidats potentiels. Alexandre le Grand, Napoléon Bonaparte Ier et Cyrumane. Alexandre semblait le meilleur tacticien, mais il avait un orgueil fort. En effet, il obligeait ses sujets à se prosterner devant lui, et le culte de sa personne était surdimensionné. Bonaparte était plus modeste. Mais il aurait peut-être un long temps d'adaptation, avant qu'il ne soit pleinement utile. En effet, s'il se mettait à travailler pour Rintam, il devrait apprendre à mener des batailles, pratiquement sans le soutien d'armes à feu ou de canons. Et puis, Alexandre et Bonaparte s'avéraient très habitués à disposer de troupes obéissantes et disciplinées. La bestialité et les habitudes guerrières des orques, notamment la manie de charger de manière désordonnée, risquaient de mettre dans une colère folle Alexandre et Napoléon. Ces facteurs poussèrent le génie à décider de tenter de rallier en priorité à sa cause Cyrumane. En effet, après mûre réflexion, Cyrumane le mage paraissait un choix très sensé, car il était réputé pour ses pouvoirs magiques, n'avait aucun préjugé à l'écart des orques, et réussissait même à obtenir des résultats marquants pour juguler le manque de cohésion et l'esprit d'équipe de ces derniers. Le seul point qui fâchait venait du fait que Cyrumane passait pour être une personne farouchement attachée à son indépendance, un individu qui rechignait à reconnaître l'autorité d'autrui. Toutefois, si l'orgueil du mage était domestiqué, il s'avérait quasiment certain qu'il ferait un allié de poids pour le génie du mal. Rintam, après avoir admiré pendant 5 minutes une statue le représentant, rencontra Gron dans un couloir du donjon. Gron, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. D'ici peu, le monde sera à mes pieds. Et tu sais grâce à quoi ? Je ne sais pas. Peut-être les chaussettes noires que je vous ai tricotées. Mais non, imbécile ! J'ai eu une vision où, grâce à mon stratège, les souverains du monde entier me versaient un tribut pour implorer ma clémence. Mais il se peut quand même que les chaussettes que je vous ai offertes jouent un rôle dans votre réussite. En quoi les chaussettes sans pouvoir magique pourraient-elles m'aider ? La chaussette est un vêtement qui impressionne les gens. J'ai poussé un orc à refuser le combat parce que je l'ai menacé avec une chaussette. J'ai la ferme intuition que la chaussette, c'est l'arme destructrice par excellence. C'est tellement performant que je comprends pourquoi il existe des tabous sur son utilisation. Hein ? La plupart des récits sur les batailles parlent de sorts, d'épées, de trahison, mais pas de chaussette parce qu'il s'agit d'un moyen extrême de gagner. Tellement efficace qu'il figure parmi les arcanes interdits. Le génie sentit un tel mouvement de pitié le traverser, qu'il n'eut pas le cœur de briser les illusions du gobelin. Tu as raison, Gron, les chaussettes c'est extrêmement redoutable. Voulez-vous donc que je remplace les armes de vos orques par des chaussettes ? Gron, arrête avec cette fixation sur les chaussettes ! Et pars chez Elilim, mon fournisseur d'accessoires magiques habituels, me chercher des bougies. J'en ai besoin pour mon prochain rituel. Gron chevaucha un poney, puis s'arrêta en ville devant une boutique de magie. Elilim, le propriétaire de la boutique, pouvait obtenir très facilement des composants pour potions magiques ou rituels surnaturels, grâce à ses nombreux contacts. Par contre, il était très rare que le propriétaire consente une ristourne. Il fallait qu'il soit d'excellente humeur pour qu'il accepte de faire un léger rabais. Son objectif ultime était d'entrer dans l'histoire, en devenant le mage le plus réputé des royaumes elfes de son époque. Dès qu'il avait un moment de libre, Elilim se consacrait à l'apprentissage de nouveaux sorts, ou à renforcer le niveau des enchantements qu'il connaissait. Le propriétaire était doué, bien qu'il ait appris pratiquement tous ses sorts tout seul. Son niveau s'avérait excellent en magie. Bonjour, Gron, que puis-je pour vous ? Monsieur Elilim, il me faudrait 100 bougies noires, s'il vous plaît. Attention, Gron, près de ma boutique, il y a un monstre gras avec des yeux rouges remplis de haine. Oh non, je suis perdu, pitié ! Aidez-moi! La créature terrible qui vous menace est un pigeon. Ne refaites plus jamais cela, sinon vous aurez à subir des représailles. Que m'infligerez-vous si je vous refais une farce? Je ne vous souhaiterai plus un bon et joyeux anniversaire. Vous devrez vous contenter de la formule « bon anniversaire » désormais. Allez, pour me faire pardonner, je vous fais une réduction d'1%. Vous n'aurez à payer que 99 pièces d'argent. Gron le gobelin rentra au donjon tout en tenant un raisonnement particulier. Il se faisait souvent traiter de pigeon par les orques des alentours, et Lily m'avait dit que les pigeons étaient des créatures terribles. Il ne mentait pas, forcément. Il disait peut-être la stricte vérité. Il incitait peut-être son client à entreprendre une quête héroïque. Cela voulait-il dire que lui, Gron, était un être hors norme ? Pour vérifier cela, il songeait sérieusement à affronter un dragon adulte, en s'armant seulement avec un hochet. Heureusement, la lâcheté naturelle du gobelin l'empêcha de concrétiser son projet suicidaire. Une fois de retour chez lui, Gron ouvrit quelques portes, déposa les bougies près du génie, qui admirait encore et toujours son reflet dans la salle des miroirs. Une pièce sans meubles, emplie de dizaines de glaces. Il se passe de drôles de choses. Les serviteurs gobelins chargés de faire le ménage sont devenus de vrais fées du logis. Je ne trouve plus un grain de poussière dans le donjon. Les gobelins qui s'occupent du ménage ont peut-être enfin compris l'honneur de vous servir, maître. Alors, ils ont appris à agir selon vos ordres. Tu as sans doute raison. Maintenant, revenons à l'essentiel. As-tu les 100 bougies que je t'ai demandées ? Oui, maître, les voici. Je pense à une chose que je ne t'ai jamais demandé. Combien te coûtent les bougies vendues par Elilim, le mage de la ville de Xapar ? Cette année, leur prix moyen est d'une pièce d'argent par bougie noire, maître. Comment ? C'est horrible, c'est un attentat, c'est intolérable ! Pourquoi les bougies coûtent-elles si cher ? Hein ? Il doit prendre énormément de marge sur celle-ci. L'hiver dernier a été terriblement froid. Énormément d'abeilles ont péri, donc la cire des ruches se vend plus cher. Ce n'est pas une excuse suffisante pour ta manie de dépenser de l'argent, tu iras te faire fouetter. À moins que tu aies un argument qui puisse te sauver. S'il vous plaît, maître, si vous m'évitez le fouet, je vous chanterai une douce berceuse le soir pour vous aider à tomber dans les bras de Morphée. Tu as mérité 5 coups de fouet supplémentaires. Par ton arrogance, tu subiras. Dans la salle des rituels majeurs, le lendemain matin, Gron vit que son maître Rintam était radieux. Une grande angoisse traversa Gron le gobelin. Il espérait que son maître n'ait pas mis la main sur le butin de sa cachette secrète. Pourtant, à voir l'air béat du génie, le doute n'était pas permis. Rintam avait fait main basse sur le trésor du gobelin. Gron avait envie de pleurer, de trépigner, de dire des mots très grossiers. Il s'était saigné financièrement. L'amertume du bêta se voyait sur son teint, qui devenait de plus en plus vert foncé, à mesure qu'enflait son désappointement et son exaspération. Le génie allait revendre l'objet qu'avait acheté le gobelin. Gron avait envie de hurler, tellement l'injustice qu'il subissait lui semblait criante. Puis, le bêta supposa qu'il y avait peut-être un moyen d'éviter une déconvenue, en altérant par la sorcellerie la mémoire de son maître. Problème, Gron n'était pas doué pour se concentrer, et les sorts d'oubli s'avéraient délicats. Si le gobelin se trompait, il risquait de provoquer un immense gâchis pour rien du tout. Il voulait être certain qu'il ne mettrait pas en péril l'esprit du génie pour une broutille. Mais que se passe-t-il, maître ? J'ai fait une très bonne affaire. J'ai obtenu contre les 100 bougies noires que tu as achetées, 200 bougies noires et 3 pièces de bronze. Vous n'avez tout de même pas commercé avec le mage du village de Lofen ? Si, pourquoi ? Le magicien de Lofen est un escroc notoire. Je crois qu'il a changé vu qu'il a dit que j'étais très intelligent. Pas plus tard que la semaine dernière, il a essayé de me vendre une baguette maudite qui transformait en chien celui qu'il utilisait. Pour la somme de 1000 pièces d'or. Le passé, c'est le passé. Je fais confiance au mage de Lofen, car il a reconnu mon immense beauté. Avant-hier, le magicien essayait de me refiler des parchemins sans pouvoir magique pour la somme de 10 000 pièces d'or. Quelqu'un qui m'appelle votre magnificence n'oserait pas m'arnaquer. Le mage me respecte profondément, même s'il emploie des méthodes particulières. Par exemple, me tirer la langue par derrière, tout en faisant des doigts d'honneur avec les deux mains. J'ai du mal à comprendre. Le mage m'a expliqué que, pour les gens ordinaires, tirer la langue et faire un doigt d'honneur est un signe de dérision. Mais heureusement, il m'affirma que pour une personne comme moi, c'est un hommage. Rintam sembla assez bête d'avoir une relation de confiance envers le mage de Lofen. Mais d'un autre côté, il était vraiment très vulnérable à la flatterie. Son orgueil pathologique le rendait très facile à manipuler. si l'on savait employer les bons leviers de flagornerie. Bon, assez discuté. Il est temps d'aller dans le monde de Cerumann. Avant de partir, j'aimerais savoir s'il vous plaît, avez-vous mis la main récemment sur mon archifromage ? Non, pourquoi ? Mais c'est quoi l'archifromage ? C'est le plus puissant des artefacts surnaturels d'après le vendeur. Encore plus fort qu'un archimage. On en a déjà parlé gros, le fromage n'est pas plus fort que moi ! Oui, mais l'archifromage et le fromage, ce ne sont pas les mêmes choses. Ma meule de 10 kilos de gruyère est imbattable. Et qu'est-ce qu'elle a de si spécial ? Le vendeur m'a tout bien expliqué. Il arrive parfois que de sombres entités surpuissantes hantent des souris. Or, les souris peuvent être attirées avec du fromage. Il ne reste plus qu'à réunir le bon matériel, et enfin, je pourrai contraindre un être surpuissant à travailler pour vous. Je sais que je dois compter sur la chance, mais... j'y arriverai avec mon archifromage aux senteurs irrésistibles. J'ai franchi une première étape cruciale. Tu es désespérant. Je t'interdis de mener des expériences magiques avec du fromage. Mais Il suffit. Mon ordre est formel. Suis-moi, je vais bientôt partir en quête de mon stratège. Allez, que les frontières entre les mondes disparaissent et que j'aille sur les terres dominées par le puissant Cerumann. Le voyage entre les mondes de Rintam et Gron faillit mal tourner. En effet, tous deux voulurent quitter la protection offerte par leur bulle de voyage pour se jeter sur de puissantes tentations. Le génie voulut se rouler sur un tas d'or, plus haut qu'une montagne, tandis que le gobelin vit quelque chose qui hantait ses rêves les plus fous, qui provoquait chez lui un comportement proche de l'hystérie, qui le remplissait d'une joie indescriptible quand il arrivait à s'en procurer un peu. Il s'agissait du mythique shampoing Sior. Gron le bêta avait apporté de main des dizaines de litres de Sior. Donc de quoi avoir des cheveux très beaux pendant des années. Les autres gobelins se moquaient fréquemment de son hygiène, mais cela n'empêchait pas le bêta de considérer comme vital d'avoir un corps régulièrement lavé et des cheveux entretenus. Heureusement pour Rintam et Gron, les démons qui essayaient de les pousser dans un piège mortel se disputèrent. Résultat, les effets de leur sort se dissipa. Le génie et le gobelin virent que l'objet de leur convoitise s'avérait une illusion. Ils apparurent au milieu d'une plaine, avec surtout de l'herbe aux alentours. Maître, c'est bizarre, il me semble que nous ne sommes pas dans le monde de Cerumann. Moi aussi. Aurais-je été déconcentré durant l'incantation magique de notre voyage ? Si vous êtes perdu, je peux vous aider. Je suis Rintam, le génie du mal. Je suis accompagné de mon serviteur, Gron. Je recherche le dénommé Cerumann. Génie du mal ? C'est un synonyme de méchant. En effet, on peut dire que je suis très méchant, homme masqué. Dans ce cas-là, pouvoir de la justice, transforme-moi ! L'homme masqué fut enveloppé par une forte lumière, qui obligea Rintam à se couvrir les yeux. Puis, lorsque la lumière cessa, le génie vit que son interlocuteur avait radicalement changé de tenue. À la place de sa veste en lin et de son pantalon en cuir, il avait désormais un costume bleu, en coton, et un casque intégral en plastique. L'homme possédait un baie brodé au niveau du torse, et un dessin de balance cousu au niveau du ventre. L'homme amplifia son côté ridicule en exécutant une chorégraphie particulière. Il effectua pendant 60 secondes des mouvements d'une mystérieuse danse. Il se mit à marcher sur les mains, à faire des ronds avec les pieds. Enfin, quand il termina sa prestation spéciale, tout en se remettant debout, il forma un triangle avec ses mains jointes en les déposant au sommet de sa tête. Tada ! Mais c'est quoi ce délire ? Je suis Baumann Bleu, le défenseur du bien ! Prépare-toi à mourir, vis suppôt du mal ! Tu fais plutôt rigoler qu'impressionner ! Si tu crois que je n'ai pas remarqué ta frayeur, tu te trompes gravement. Boule de feu majeur, brûle mon ennemi ! Baumann, malgré son assurance, ne parvint pas à se protéger des flammes. Son corps fut victime d'une attaque de feu, qui le transforma des pieds à la tête en véritable torche humaine. Il eut quand même le réflexe de se rouler par terre pour éteindre les flammes. son costume demeurait relativement intact. Mais la chaleur étouffante suffit à le martyriser. Bauman subit une telle douleur qu'il faillit s'évanouir sur le coup. Mais il eut le temps de prononcer une phrase avant de tomber inconscient. Ce n'est pas possible. Le bien triomphe toujours, normalement. Il n'y a plus qu'à retourner au donjon, maintenant que le bouffon bleu est mort. Bauman était dans un sale état. Suite à cet échec, le génie entreprit de retourner dans son donjon, de remettre à plus tard la quête de Cyrumane. Maître Rintam, vous êtes plein de poussière. Laissez-moi vous essuyer. Tu es bien prévenant. Au fait, es-tu guéri ? Je n'ai pas été malade ces derniers temps. Tu semblais faire une fixation sur la poussière, censée te faire devenir riche. Inutile de faire semblant. Une source proche de vous m'a informé de l'origine de votre richesse. Tu m'énerves ! Disparais ! Gron, après avoir frappé à la porte de la chambre de son maître, fut invité à y entrer le lendemain matin. Cet endroit, en plus d'un lit confortable, se caractérisait par un bureau et ses étagères remplies d'ingrédients en rapport avec des sorts de magie noire. Des crapauds, des serpents, des os d'humains, des champignons vénéneux, et surtout ses livres de poèmes lyriques, composés par Rintam, afin de se rendre hommage à lui-même. Bonjour maître. Avez-vous bien dormi ? J'ai fait un horrible cauchemar. Dans celui-ci, je me comportais comme un bienfaiteur. J'ai hurlé de peur quand je me suis réveillé. Ne vous en faites pas, vous êtes le pourri parmi les pourris. Même un dieu majeur ne pourrait vous contraindre à devenir gentil et bon. Il est temps de retenter de voyager dans le pays dominé par Cyrumane. Rintam et Gron voyagèrent de monde en monde. Et retombèrent sur la même plaine qu'hier. Le revoilà, le bouffon ! Il est résistant, ma parole ! Ha ha ! Rintam, ton heure a sonné ! Tu vas déguster ! Transformation Bauman Rouge ! Encore une fois, la danse rituelle de Bauman fut exécutée. Hormis le fait que tu as changé la couleur de ton costume, qu'as-tu modifié chez toi ? Rien ! Mais je suis quand même sûr de l'emporter ! Un costume rouge rend beaucoup plus fort que des habits bleus ! Gron, c'est incroyable ! J'ai trouvé encore plus débile que toi ! Que mes éclairs magiques te transpercent ! Ah ! J'ai été encore une fois battu ! Mais la justice finira par triompher ! Bon, cette fois, le bouffon est bien trépassé. Il n'y a plus qu'à rentrer et tenter un nouvel essai de voyage à travers les dimensions après le repas de midi. Maître, vous savez, un habit rouge, cela peut effectivement augmenter la puissance musculaire. La force physique augmente de 0,001% durant 10 minutes. Et pourquoi ne pas boire en plus un litre de vinaigre pur ? Je ne suis pas certain que cela soit efficace. Par contre, boire un litre d'alcool pur pourrait augmenter très légèrement les effets positifs de mon rituel. Gron, ton rituel est totalement idiot. Il va juste te rendre malheureux et te mettre l'estomac dans un triste état. Je t'ordonne de l'abandonner définitivement. J'ai l'impression que vous êtes jaloux du fait que j'ai inventé une cérémonie magique originale. Pas du tout. Autrement, quel est le nom de ton rituel complètement bête ? La magnifique cérémonie d'amplification de la masse musculaire qui permet de soulever beaucoup plus facilement des haltères. Ouais, c'est un peu long comme nom. En fait, ce n'est qu'un dixième du nom entier de mon rituel. Oublie ta cérémonie, rentrons maintenant. Plusieurs jours passèrent, mais Rintam, le génie du mal, ne semblait pas décidé à repartir en quête d'un stratège. Cela inquiéta son serviteur gobelin Gron. Il espérait que le génie n'était pas trop contrarié par ses deux derniers échecs. Pour être sûr de n'avoir rien à voir avec le dépit apparent du génie, Gron le bêta passa en revue les gaffes qu'il avait commis ces derniers jours. Il était plutôt satisfait de lui, parce qu'il n'avait commis que 10 bévues en 3 jours. Cependant, cela pouvait avoir suffi à mettre de mauvaise humeur Rintam le radin. En effet, le génie, s'il pouvait faire preuve d'une grande patience avec Gron, était tout aussi capable de piquer de grosses colères pour des choses anodines. Le bêta toqua à la porte de la chambre de l'avare. Comme le génie ne répondait pas aux sollicitations de Gron, cela inquiéta le gobelin, qui poussa l'audace jusqu'à entrer sans avoir été invité, il trouva Rintam en train de faire de nombreuses grimaces, notamment des froncements de sourcils, devant un imposant miroir, comportant en haut des sculptures d'aigle et en bas des représentations de loups. Maître, il est peut-être temps de partir en quête de Cérumane. Ah gros, tu es un imbécile qui m'a déconcentré durant un moment important. J'étais en train de travailler mon regard charismatique. Vous n'avez pas besoin d'entraînement pour pousser les gens à vous vénérer, maître. Tu as sûrement raison. Grand, partons pour la terre du Milidiou. Rintam et Grand revinrent dans la même plaine que durant leur précédent voyage. Ce qui poussa le gobelin à imaginer un moyen d'augmenter les chances de réussite du rituel magique. Il ne trouva rien de probant de ce côté. Mais il mit au point une combine pour pouvoir porter dans l'obscurité des charges plus lourdes. En mettant des bougies allumées dans ses oreilles, il pourrait avoir les deux bras de libre pour manipuler des objets lourds tout en progressant dans le noir. Je crois que nous sommes arrivés sur un autre monde que celui que nous cherchions. Tiens, tiens, Rintam et son laquais, vous tombez bien, je vais vous faire regretter d'être né. Tu as encore changé de costume. Ainsi maintenant, tu crois que le blanc c'est plus fort que le rouge? Pas du tout, un costume blanc confère moins de force que des vêtements rouges. Toutefois, comme j'ai une armure, je suis plus fort qu'avant. Ton armure est magique? Non, mais d'après la loi des héros, un guerrier du bien en armure triomphe toujours contre les méchants. Qui t'a enseigné cette loi débile? Je ne sais plus, mais je t'accorde une minute pour faire tes prières. C'est trop gentil. Tu as résisté au feu et à l'électricité. Voyons si tu survis à la congélation. Que mon ennemi soit emprisonné dans un cercueil de glace. Le corps de Bauman se retrouva soudainement complètement glacé. Son casque empêchait de voir son visage. Mais il adopta une expression d'horreur à cause du fait d'être emprisonné dans un bloc de plusieurs tonnes. Maître, il faudrait vous rendre à l'évidence, vos bougies magiques sont nulles! Il faudrait les remplacer par des articles de bonne qualité! Mais non, je traverse une mauvaise passe. Quittons ce monde sans intérêt! Gron le gobelin et son maître Rintam retournèrent dans leur monde d'origine et firent plusieurs essais pour essayer d'atteindre la terre du Mildiou. Mais les tentatives furent toutes infructueuses. Gron le bêta commençait à être sérieusement inquiet. Malgré ses recommandations, Rintam le radin s'acharnait à vouloir utiliser les bougies magiques défectueuses. Le bêta craignait que lui et son maître ne finissent par subir un sort problématique, voire funeste, si Rintam persistait à recourir à des outils surnaturels de très mauvaise qualité. Pour l'instant, le bêta et le radin étaient entiers, mais la chance ne durait qu'un temps. En outre, les voyages magiques répétitifs et peu espacés entre les mondes constituaient un acte peu prudent. Cette manière de faire pouvait attirer l'attention de démons puissants. Or, les bougies surnaturelles de Rintam avaient plusieurs effets néfastes. Par exemple, elles affaiblissaient le pouvoir de protection de la bulle du voyage dimensionnel et rendaient plus vulnérables aux illusions et aux sorts des démons. Gron, par fidélité, voulait suivre son maître. Mais son instinct lui soufflait que si le génie continuait à jouer les audacieux, tous deux en paieraient le prix. L'avare commençait à se douter que quelque chose clochait. Il ne réussissait pas toujours correctement ses sorts, mais là, il était confronté à un nombre anormal d'échecs. Surtout que les circonstances étaient très favorables pour un sorcier spécialiste des arts sombres tel que Rintam. Il s'agissait d'une nuit de lune noire, un des moments les plus propices qui soit, pour la réussite des sortilèges de magie noire. Maître, il n'est pas très prudent de tenter plus de 6 fois par jour un voyage dimensionnel. Seulement si on n'est pas un expert en voyage dimensionnel. La malchance semble de votre côté en ce moment. Pour éviter les mésaventures, je pense qu'il convient d'être prudent. Tu n'es pas prudent, gros, mais lâche. Vous devez quand même admettre que, pour l'instant, votre quête pour approcher Cérumane est constituée d'échecs. Cette fois, je sens que c'est la bonne. Je vais être couronné de succès. Que les portes entre les mondes s'ouvrent. Rintam et Gron furent transférés dans un autre monde, et vinrent non pas dans la plaine habituelle, mais sur une colline, proche d'une vaste forêt de chênes. Tandis que Bauman, avec une nouvelle dose de stupidité, les observait par derrière. J'ai le pressentiment que Bauman va bientôt surgir. Aucune chance. Cette fois, je suis sûr d'être venu dans le bon monde. Rantam, tu es cuit cette fois. J'ai acquis des artefacts magiques qui vont faire venir à moi des monstres redoutables. Prépare-toi à mourir à cause de mes impôts surnaturels. Rantam eut l'envie de s'occuper de Bowman avec un sort offensif avant que son adversaire ne se mette à appeler du renfort. Mais il était assez curieux de voir les créatures invoquées par son ennemi. Et puis même si ce dernier faisait venir quelque chose de dangereux, le génie avait suffisamment confiance en lui pour espérer triompher. Heureusement, Gron était là en cas de coup dur, prêt à dégainer son arme pour secourir son maître. Il démontrait souvent un caractère pitoyable quand il était seul, mais il s'avérait quand même un fidèle allié du génie. Il comptait bien prouver son utilité, mais au lieu d'exhiber une dague, il brandit une feuille de chêne. Il se rendit compte un peu plus tard qu'il n'avait emporté aucune arme. Mais il continuait à rester ridicule en agitant sa feuille, car après tout, son adversaire, avec de la chance, serait peut-être allergique au pollen de chêne. Rantam décida finalement, par précaution, de s'occuper de son ennemi, car il craignait un mauvais coup. L'air très confiant de Bowman s'annonçait de mauvais augure. Il rassembla donc ses forces mystiques et s'apprêta à ensevelir son ennemi sous terre, mais il y eut un raté. Terre, recouvre mon ennemi! Ce sort résulta d'une matérialisation de bonnet. Toutefois, le génie avait la chance d'avoir un vêtement de couleur rose, avec des cœurs rouges assortis à ses différents caleçons. Bowman faillit rire devant cet échec, mais il maintint sa concentration et dirigea vers sa bouche un appôt qui signifierait bientôt, d'après lui, de prodigieux ennuis pour ses ennemis. Rantam restait vigilant. Peut-être que dans le monde où il se trouvait, il existait des créatures redoutables qui poussaient le cri coin-coin. Il pouvait y avoir des surprises désagréables à certains endroits. Le génie se préparait à affronter du lourd, mais il changea vite d'avis quand il remarqua que seuls des volatiles inoffensifs venaient près de Bowman. En quoi les canards sont dangereux? J'ai d'autres appôts, ne te réjouis pas trop vite. Je pense qu'il faut quand même négocier. Quoi? Gros, mais tu as peur de volatiles inoffensifs maintenant? Non, mais un appôt qui fait coin, c'est génial. Vous pourrez m'envoyer au coin en guise de punition, sans avoir besoin de vous déplacer pour vous faire comprendre. Hein? Je pense que c'est une trouvaille géniale qui mérite qu'on l'épargne. Grâce à lui, vous pourrez économiser votre énergie, moins marcher quand vous désirerez m'envoyer au coin. Tu m'énerves, Grand! Bowman eut soudain une vague d'inspiration. Il se renseigna sur Rantam, dont l'avarice était connue à l'échelle de plusieurs mondes. Donc le héros tenta une manœuvre psychologique. Pognon, monnaie, flouze, dinero, or, radis! Ha ha! Je jouis, je suis au paradis. Ouah, maître, votre érection est très impressionnante. Ainsi, Rantam mourut, à cause d'un problème d'érection. Le sang dans son corps se concentra trop dans son pénis. Son cœur et son cerveau manquèrent de fluide vital au bout de 10 minutes. Gron essaya de sauver son maître. Mais il fut arrêté par un sort de paralysie de la part du radin, qui voulait jouer et ramper.